M, le maudit. Villevermine de Julien Lambert. Villevermine, c'est une cité bétonnée sans âme, crasseuse, où les habitants s'entassent sans vraiment avoir d'avenir. Au milieu de toutes ces personnes, il y a Jacques Peuplier. Jacques Peuplier, c'est un détective privé célibataire qui vit dans un appartement très ancien, très vétuste. Sauf que il a l'habitude de récupérer des objets cassés et de les réparer. Et encore mieux, ces objets lui parlent. Et ces objets, ils lui parlent et ça lui sert dans ses enquêtes. C'est ça qui est pratique. Parce que même quand il sort de chez lui, eh bien, les objets qui sont dans la nature ou autour de lui, eh bien, ils lui donnent des indications pour résoudre ses enquêtes. Un jour, il y a Vanessa qui fait appel à lui pour retrouver un collier. Et là, à ce moment-là, eh bien, il voit un jeune garçon qui attrape des bestioles volantes. Donc tout ça est mélangé et ça donne un polar fantastique très fort. C'est en 2 tomes, en 2 volumes. Et donc il y a une intrigue à tiroir, puisqu'il y a plusieurs choses dedans. Il y a bien évidemment Jacques, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, si c'est dans sa tête ou si c'est vrai que les objets lui parlent. Il y a aussi bien évidemment le petit garçon qui attrape des bestioles volantes. Il y a des hommes volants. Et il y a un espèce de savant fou justement qui crée ces hommes volants. Tout cela est mélangé, c'est un polar avec une ambiance d'anticipation très forte, avec des espèces de mouches moustiques énormes qui volent dans la ville. Donc il y a beaucoup de choses, notamment Julien Lambert, il parle en sous-texte dans ce polar de l'hyperconsommation et de l'obsolescence des objets. Donc c'est quelque chose d'assez contemporain là aussi. C'est une enquête très accrocheuse. Et lui, Julien Lambert, il a un dessin extrêmement moderne et très vivant qui là aussi ressemble un peu à moitié à des comics et à des mangas. Donc ça fonctionne là aussi très bien, notamment parce que son découpage est extrêmement dynamique. Il suffit tout simplement de regarder la couverture pour en être tout à fait sûr certain. Donc ça sera un diptyque. Les décors urbains de Villevermine sont aussi très forts. C'est une sympathique surprise, ce Villevermine. C'est un polar très fort et mené tambour battant, un truc fantastique, excellent, notamment pour les ados et les adultes. Villevermine de Julien Lambert chez Sarbacane, et c'est sorti le 3 octobre.